Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé ce vendredi le projet Initiative Main dans la Main et Transformation des Systèmes Alimentaires qui devrait avoir un impact réel sur l'amélioration de la tendance nutritionnelle. Une forme d'escroquerie sur des visas vers les États-Unis d'Amérique est rapportée par le ministère en charge de la sécurité. Vous entendrez les précisions du porte-parole de ce ministère. Et la province scolaire de Bururi manque un peu plus de 400 enseignants et pour cause, près de 300 ont pris leur retraite depuis le début de cette année scolaire, qui en est déjà à plus de la moitié du premier trimestre. Et en actualité sous-régionale au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé ce jeudi la suppression des visas pour les Africains se rendant dans son voisin du Nord. Il était à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme qui se tient à Kigali depuis mercredi et qui s'est clôturé ce vendredi 3 novembre 2023. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le projet Initiative Main dans la Main et Transformation des Systèmes Alimentaires, lancé ce vendredi par la FAO, Organisation onusienne pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que l'agriculture, aura un impact réel sur l'amélioration de la tendance nutritionnelle. Une assurance du secrétaire exécutif permanent au sein de la plateforme de sécurité alimentaire et nutrition, Dr Célestin Sibomana, précise que la gestion rationnelle et équitable de la ressource terre et réponse à la pression démographique est l'un des piliers qui devront guider à la réussite de cette initiative. On l'écoute. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas renforcer la nutrition dans le pays sans toucher les systèmes alimentaires, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, l'ensemble des infrastructures impliquées de la fourche à la fourchette, comme on dit dans le jargon technique, de l'étable à la table. Il y a beaucoup de maillons et à chaque maillon, il y a des intervenants. Et chacun a un rôle à jouer. Et ce n'est que l'intégration de tous ces systèmes de santé, de l'agriculture, de protection sociale, de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement, les systèmes éducatifs ainsi que l'administration territoriale qui doit prendre en main le dossier pour canaliser les efforts qu'on peut avoir la réponse. Nous avons présenté cette feuille de route avec ces piliers thématiques qui sont interliés pour montrer quelle est la voie logique pour des systèmes alimentaires socialement et économiquement résilients. Pour inverser la tendance nutritionnelle au Burundi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont ces piliers sur lesquels il faut insister? Le flux des concertations au niveau national ont montré que le grand défi au Burundi, c'est de nourrir la population burundaise à travers l'augmentation des facteurs de production avec évidemment une gestion efficace et efficiente de nos ressources, tout en faisant face à la démographie galopante et aux phénomènes liés au changement climatique. C'est ainsi que les pistes d'action réformatrices sont notamment la gestion de la ressource terre et la lutte contre la pression démographique, à travers aussi l'agriculture intelligente pour faire face aux phénomènes liés au changement climatique. L'éducation nutritionnelle, apprendre à la population comment nourrir correctement les enfants. Apprendre aux producteurs comment produire beaucoup, comment conserver les récoltes et éviter les pertes post-récoltes. Nous avons aussi mis en exergue la composante genre pour qu'une autonomisation des femmes, des filles aussi, qui est un aspect important dans la transformation des systèmes alimentaires, dans la nutrition de nos enfants. Il ne faut pas oublier le contrôle de qualité. Nous avons finalement parlé aussi de l'approche territoriale avec la responsabilisation des communes, l'éducation dans l'agro-business. Nous avons parlé du financement à travers les mécanismes de financement traditionnels, mais aussi innovants pour que le système alimentaire burundais soit socialement et économiquement résilient. Docteur Célestin Sibomana, secrétaire exécutif permanent au sein de la plateforme de sécurité alimentaire et nutrition. Et le ministère de la Sécurité publique prévient la population contre une forme d'escroquerie portant sur les documents de migration vers les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de ce ministère appelle dans un communiqué de ce vendredi que seules les ambassades délivrent ces documents. Pierre Mourikié indique que les services habilités sont à la recherche des personnes complices. Suivez-le. Malgré de multiples alertes et rappels réguliers de différentes formes d'escroquerie en matière d'immigration, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique constate avec regret que ces derniers jours, certains citoyens burundais continuent toujours d'être victimes de différentes formes d'escroquerie en matière d'émigration vers les États-Unis d'Amérique. À titre d'illustration, le ministère ne cesse de recevoir des plaintes des victimes ayant été roulées par des escrocs qui leur promettaient des visas et des emplois aux États-Unis d'Amérique. Ces escrocs mal intentionnés collectent auprès de leurs victimes des grosses sommes d'argent en leur promettant de leur chercher des visas d'accès aux États-Unis d'Amérique. D'autres leur demandent d'aller attendre ces visas à Nairobi au Kenya ou à Dar es Salaam en Tanzanie, où ils se rendent après avoir vendu tous leurs biens de valeur pour avoir les frais de transport et de séjour dans ce pays. Certains escrocs finissent par leur octroyer des faux visas ou coupent toute communication lorsque ces victimes, dépourvues de tout moyen de survie, sont déjà dans des hôtels à Nairobi ou à Dar es Salaam. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique rappelle aux citoyens burundins de ne plus prêter oreille à toute personne qui se targue de fournir des visas, des passeports ou des cartes de résidence pour pouvoir voyager vers les États-Unis d'Amérique en lieu et place de l'ambassade des États-Unis d'Amérique basée à Bujumbura. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation dans la suite de ce journal. Près de 3 années viennent de s'écouler sans que l'on ait achevé la construction des salles de classe du 4e cycle à l'école fondamentale Komibou de Bouyenzi. Zawadi Niyibizi, directrice de cette école, regrette que c'est une perte pour l'école car les élèves qui terminent le premier cycle fondamental n'auront pas de salle pour continuer les études. Elle demande au bureau de la présidence de la République qui a aidé dans la construction de tout faire pour que ces salles soient disponibles. Jean-Marie Mayonga. L'école fondamentale Ekofo Komibou Bouyenzi, pour ceux qui la connaissent auparavant, elle était couverte par des tuiles vétustes, mais aujourd'hui la présidence de la République leur a octroyé des tôles pour couvrir l'école. Par après, la directrice de cette école a demandé à la présidence de leur construire des salles de classe qui abriteront le 4e cycle de l'école fondamentale, une proposition qui a été bien accueillie par la présidence de la République, comme l'affirme la directrice de cette école Zawadi Niyibizi. Les travaux de construction ont débuté en 2020, mais jusqu'à présent, ces infrastructures ne sont pas encore achevées, selon Zawadi Niyibizi. Vous avez vu que nous avons des tôles vraiment qui sont appréciables. La réhabilitation a été faite par la présidence de la République. Ils nous ont amené des tôles et puis ils ont réhabilité la toiture. Et après la réhabilitation de la toiture, nous avons demandé à ce qu'on nous construise 4 salles pour la 4e cycle. Alors, ils ont accepté. La construction a commencé. C'est depuis 2020 que la construction a commencé, mais elle n'est pas encore achevée. Pour nous, en tant que responsables de l'école, en tant que parents, c'est une grande perte pour nous. Nos enfants, c'est une école qui est vaste dans la zone Bouyenzi. Elle commence de la maternelle jusqu'en 6e année. On a demandé à ce que l'école ait le 4e cycle. On attend toujours. On a besoin de voir le 4e cycle. Nos élèves avancer en 7e, en 8e, en 9e année ici. On a vu l'administrateur de la commune Mukaza. C'est lui qui venait avec le matériel. En tout cas, c'est lui qui était le responsable du chantier. Zawadini Niyibizi demande à la présidence de tout faire pour que les travaux soient achevés et que les salles de classe pour le 4e cycle soient disponibles. Nous demandions à ce que la construction soit terminée. Qu'elle soit terminée parce que c'est depuis 2020 qu'elle a commencé. On ne sait pas pourquoi la construction ne se termine pas. Le constat de cette école est que les murs commencent à présenter les fissures, le ciment commence à se détériorer, même le tableau, rien n'a été fait pour dire que c'est un tableau noir qui sera utilisé. La directrice indique que les matériaux de construction étaient dans les mains de la commune Mukaza. L'école fondamentale Komibou Bouyenzi a été créée en 1947 et aujourd'hui compte 1013 enfants qui étudient à cette école. Jean-Marie Mayonga, éducation toujours. La province scolaire de Bururi a toujours besoin de plus de 400 enseignants alors que la moitié du premier trimestre de l'année scolaire est déjà terminée. Selon les données de la direction provinciale de l'éducation, seuls 150 nouveaux recrues sur 278 ayant réussi au test de recrutement ont déjà reçu leur lettre d'affectation. Certains responsables scolaires disent qu'ils font recours aujourd'hui aux enseignants vacataires. Correspondance de Zénon Zambimane. Certains des responsables scolaires dans la province d'Obroli confirment qu'ils font face aujourd'hui au manque criant d'enseignants. Ce manque d'enseignants a été aggravé cette année par le départ en retraite de 298 enseignants dans toute la province d'Obroli, selon la direction professionnelle de l'enseignement à Obroli. Les responsables des écoles qui en souffrent beaucoup indiquent qu'ils ont déjà fait recours aux enseignants vacataires, mais cela a déjà provoqué des grognes chez certains parents qui sont obligés de revoir à la hausse les frais scolaires afin de pouvoir payer ses vacataires. Les données en provenance de la direction provinciale de l'enseignement à Broly montrent qu'au début de cette année scolaire, la province avait besoin de 628 enseignants, mais jusqu'à maintenant, seuls 150 nouveaux recrues dans ce secteur sur 278 qui ont réussi au test de recrutement de cette année ont déjà reçu leur lettre d'affectation. Ce manque d'enseignants est un défi majeur, selon les encadreurs de proximité dans le secteur de l'enseignement de la province d'Obroli. Antoine Savioumva salue l'initiative des responsables scolaires qui ont déjà fait recours aux enseignants bénévoles, mais demande que leur recrutement soit fait de façon légale, car l'affectation de ces enseignants bénévoles se fait normalement par la direction communale de l'enseignement en collaboration avec l'administration communale. Il appelle les enseignants et les responsables à tous les niveaux dans le secteur éducatif de la province d'Obroli à exécuter convenablement leur mission afin d'améliorer le rendement. Depuis Obroli, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Et pour boucler ce dossier éducation, sachez que des manuels scolaires constitués de livres pour élèves et guides des enseignants d'une valeur de plus d'1 900 000 francs burundais ont été donnés ce jeudi à l'école fondamentale Maranvia de la commune Kayokwe en province Mwaro par les natifs de cette colline. D'après les autorités scolaires, cette école manquait cruellement de ses matériels, raison pour laquelle le directeur communal de l'enseignement à Kayokwe a demandé à ses élèves d'en prendre soin. Et 50% des plants de bambou semés dans le cadre du programme national de reboisement dit Ewewurundurambaye pour protéger les rives des rivières Ruvubu et Kanyaru ont été détruits par les agriculteurs. Léonce Mbisamakoro, chef d'antenne provinciale au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Kayanza, indique que plus de 8000 boutures de bambou sont déjà disponibles pour être plantées sur les rives de ces rivières et que des comités de suivi de ces arbres seront mis en place au niveau de chaque colline. Patrick Saint-Guillaume. D'après les responsables du bureau provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP en sigle à Kayanza, le programme national de reboisement d'Ewewurundurambaye a débuté en 2019. Chaque année, indique Léonce Mbisamakoro, chef d'antenne provinciale de cet office à Kayanza, des milliers d'arbres sont plantés dans le cadre de ce programme, bien que les résultats ne soient pas escomptés. Les défis liés à la bonne réalisation du programme national de reboisement d'Ewewurundurambaye à Kayanza, le chef d'antenne provinciale au sein de l'OBP Kayanza déplore qu'ils proviennent essentiellement de la population, laquelle population devrait faciliter par contre la réalisation selon lui. Là, il donne l'exemple des agriculteurs à Kayanza qui ont endommagé les bambous plantés dans le cadre du programme national de reboisement Ewewurundurambaye pour protéger les rives des rivières Ruvubu et Kanyaru. Ces agriculteurs, selon la même source, ont exploité la zone de protection des rives de ces rivières. Léon Sembisamakoro fait savoir également que les habitants à Kayanza, lors de la plantation des arbres via les travaux de développement communautaire, volent des plants d'arbres pour aller les repiquer dans leurs champs. Dans la réunion du gouverneur de la province Kayanza au début de la semaine passée avec les chefs de service en cette province, cette autorité administrative provinciale Kayanza a demandé au chargé du service de la protection de l'environnement de faire l'inventaire des arbres endommagés et qui ont été plantés dans le cadre de ce programme national de reboisement Ewewurundurambaye afin que les destructeurs soient punis conformément à la loi. Rémi Tshishayo a déploré qu'il n'y ait pas de résultats palpables du programme après 4 ans de sa réalisation. De même propos avec le président de la République à son retour de Brazzaville où il avait participé dans un sommet relatif à la protection des forêts. Évariste Ndayishimiye a demandé aux responsables du programme Ewewurundurambaye de se ressaisir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a annoncé la fin de cette restriction jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation de personnes et le commerce à l'échelle du continent. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Le président William Ruto a annoncé lundi son intention de permettre à tous les Africains de se rendre au Kenya sans visa d'ici au 31 décembre. Ce 23e sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme, qui avait commencé mercredi 1er novembre, s'est clôturé ce 3 novembre 2023 et le chef de l'État burundais a été représenté par le vice-président de la République, Prosper Bazombanza. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.